Chapitre 42e Rocambole. Léon Roland suivait donc Collard sans défiance et tout entière ses pensées. Il allait donc peut-être revoir Cerise. Mais où et dans quelles terribles circonstances? Les poings de l'ouvrier se fermaient avec colère, et il éprouvait comme une sorte de folie curieuse en songeant que peut-être Cerise n'était plus digne de son amour. Collard le fit monter dans un fiacre qui stationnait sur le boulevard à la hauteur de la rue Mazagran, fiacre attelé de deux chevaux plus vigoureux que ne sont d'ordinaire ceux des voitures de place, et que Cerise aura reconnu sans doute pour ce grand fiacre jaune qu'il avait enlevé de la rue Serpente et transporté à Bougival. « Cocher, » dit Collard, « tu vas nous conduire à Bougival en 1 h 30, on payera bien. » Et Léon étant monté avec lui, Collard referma la portière et le fiacre jaune partit au grand trot tout le long du boulevard, puis il monta l'avenue des Champs-Élysées. Le rond-point de la barrière de l'Étoile, une fois atteint, il fila comme une flèche entre Neuilly et le bois, alla un train de prince en montant la côte de Courbevoie et traversa Nanterre sans s'arrêter. Certes, Léon Roland aurait dû s'apercevoir de cette célérité inusitée et remarquer que Collard était devenu bien silencieux. Mais il était tout entier à ses préoccupations et il se croyait déjà face à face avec cet homme inconnu et abhorré à la fois qui lui avait ravi Cerise. Cependant, un esprit moins crédule et plus perspicace aurait rapproché plusieurs circonstances les unes des autres, et il se serait par conséquent tenu sur ses gardes au lieu de s'abandonner aveuglément à Collard. Ainsi, tout autre que Léon se fût souvenu du récit de Baccarat, récit d'après lequel, si Cerise avait réellement été enlevée, elle aurait dû l'être par M. de Beaupréau, par conséquent par un vieillard, et non un jeune homme, ainsi que l'avait dit Collard. En second lieu, comment admettre que Cerise tombait dans un piège? Cerise, qui la veille aimait son fiancé, avait si philosophiquement pris son parti et s'était consolée à ce point de sourire aux paroles de son ravisseur en tête-à-tête avec lui dans une voiture fermée. Mais l'honnête ouvrier ne fit aucune de ces réflexions. Il ne songea qu'à une chose, arriver, trouver Cerise, l'arracher aux mains de qui elle était tombée. Cependant, il fit cette observation. « Voici qu'il fait nuit, comment ferons-nous ? » « La nuit, » répondit Collard, « on y voit moins que le jour, c'est vrai. » Mais on a l'esprit plus ouvert, on devine. D'ailleurs, en y allant le soir, j'ai mon idée. Ah, fit Léon, quelle est-elle? Il y a un cabaret à Bougival, sur la chaussée, de l'autre côté de la machine en allant à Port-Marly. Il y a un cabaret, dis-je, où vont les domestiques des châteaux voisins, avec quelques paysans des environs. Nous entendrons peut-être jaser, nous saurons bien des choses, même sans avoir fait une question. Bien, très bien, murmura Léon. Est-ce loin encore? Non, nous voici hors de Rueil. Il nous faut 10 ou 15 minutes encore. » Le fiacre continua de rouler, et Collard retomba dans son mutisme, laissant son compagnon livré à une anxieuse rêverie. Enfin, on atteignit la chaussée sur le pavé de laquelle le fiacre roula avec fracas. Puis, à quelque distance de la célèbre machine de Marly, sur un signe de Collard, le cocher arrêta net ses chevaux. « On n'arrive pas en voiture au cabaret, » dit Collard à Léon. Ils descendirent. Léon prit le bras de son guide et le fiacre tourna et repartit. Si l'ébéniste eût été moins préoccupé, il aurait remarqué encore que la course du fiacre n'était point payée et que le cocher ne la réclamait point. Le cabaret indiqué par Collard était une maison isolée, la dernière du pays, bâtie au port de l'eau, à 100 mètres en aval de la machine. Rien de chétif et de sinistre à la fois comme son aspect extérieur. Bâtie en pisé, en vieux matériaux provenant de démolition, elle était couverte d'une couche de peinture rougeâtre, sur le fond de laquelle se détachait en blanc, au-dessus de la porte, l'inscription suivante. « Au rendez-vous des hussards de la garde, on sert à boire et à manger, tenu par le débardeur. » On se demandait tout de suite quel était ce débardeur. Le débardeur était une femme, une vieille grondeuse et acariâtre, à moitié homme, ayant une grosse voix enrouée, portant des sabots et un manteau de caoutchouc en tout temps. Elle était seule avec un bambin de 12 ans, malicieux et insolent, déjà corrompu, et qu'on surnommait Rocambole. Rocambole était un enfant trouvé. Un soir, il était entré dans le cabaret, s'était fait servir à boire et à manger, puis avait voulu s'en aller sans payer. La vieille l'avait pris au collet, une lutte s'était engagée, et s'armant d'un couteau, Rocambole allait tuer la cabaretière sans plus de façon lorsqu'il se ravisa. « La mère, dit-il, tu vois que je suis une pratique finie, que je pourrais te refroidir et emporter ton magot. D'ici à demain, personne n'en saurait rien. Mais tu n'as peut-être pas 20 francs dans ton comptoir et je préfère m'associer avec toi. » Et comme la vieille, toute tremblante encore, regardait avec stupeur cet effronté, il poursuivit avec un grand calme. J'ai déjà eu des affaires avec la rousse, la correctionnelle m'a pincé. Tel que tu me vois, je sors de la colonie pénitentiaire, ou plutôt j'ai filé. Ça m'est égal d'être repincé, vu que je n'ai pas le sou. Mais tu ferais une bonne affaire de me prendre. Tu es seule et tu es vieille. Quoique voleuse, tu ne vaux pas cher à l'ouvrage, et je te donnerai un bon coup de main, moi. Ce langage, d'une cynique franchise, plut à la cabaretière. Elle adopta Rocambole, qui devint un associé réellement fidèle, et l'appela maman, avec une sorte de tendresse égrillarde. En l'absence de la vieille, il s'absentait souvent, sans que dans le pays on n'eût jamais su où elle allait, Rocambole tenait le débit de boisson, allumait la pratique en trinquant avec elle, et se laissait aller à la fouiller et à la dévaliser quand ces dernières roulaient ivre morte sous la table. Or, la cabaretière n'était autre que la veuve Fipard, la maîtresse du saltimbanque Nicolo, l'horrible vieille à qui Collard avait confié Cerise dans la maisonnette du Vallon. Lorsque Collard et Léon arrivèrent, le cabaret était désert, du moins la salle principale, celle où l'on voyait des bancs entourant des tables carrées couvertes d'une toile cirée graisseuse, un comptoir d'étain surchargé de peau, une sorte d'étagère au-dessus du comptoir, où l'on voyait ranger en ordre symétrique bon nombre de bouteilles entamées et portant diverses étiquettes telles que Parfait amour, crème des amants heureux, ratafia des Indes, élixir de la chartreuse verte, sic, et quelques autres dénominations non moins pompeuses. Au comptoir trônait Rocambole, qui lisait une pièce de comédie, tandis que la veuve Fipard sommeillait sur une chaise au coin du feu. Une chandelle, placée dans un chandelier de fer battu, éclairait à elle seule ce bouge au mur noirci, sur lesquels se détachait çà et là une bataille d'Austerlitz d'un rouge vif, un Poniatowski violet et un juif errant bleu de ciel coiffé d'un chapeau jaune. « Et la mère ?» dit Collard, en entrant et en frappant du poing sur la table placée près de la porte. « Y aura-t-il moyen de boire un coup chez vous ?»« Entrez, les amis !» dit Rocambole, du haut de son comptoir et sans interrompre sa lecture. La veuve Fipard s'éveilla en sursaut et en maugréant. « Rocambole, hé, Rocambole, serre donc ces messieurs !» Mais en se frottant les yeux, elle reconnut Collard et changea subitement de ton. « Ah, c'est vous, monsieur Collard, dit-elle. Donnez-vous la peine d'entrer. Depuis le temps qu'on ne vous a vu. » Collard et la vieille avaient déjà échangé un signe mystérieux. « Et votre petite dame ?» demanda la cabaretière en adoucissant jusqu'au fossé son horrible voix enrouée. « Elle va bien, maman, cria Rocambole. Elle va bien, l'épouse de monsieur Collard, ricana le drôle. « Tu es donc marié ? » demanda naïvement Léon à l'oreille de son guide. « Oui, à l'arrondissement où le divorce est permis. » « Est-ce que vous avez divorcé, M. Collard ?» demanda Rocambole en goguenardant. « Avec madame mon épouse, oui, jeune drôle, » répondit Collard en prenant le bambin par l'oreille. « Bon, ça tombe bien, moi, qui cherche une femme. Ne pourriez-vous pas me recommander ?»« Tais-toi, Blanc-Bec, » dit Collard, puis s'adressant à la vieille. « Donne-nous le cabinet vert, maman. »« Peux pas, M. Collard. »« Pourquoi cela, maman ?»« Parce qu'il est retenu pour 7 heures. »« Et par qui ?»« Par des gens bien comme il faut, » fit la vieille en se redressant. Un cocher et un valet de chambre de la haute. Peste, murmura Collard, donnant un coup de coude significatif à Léon Roland. Eh bien, la mère, donne-nous le cabinet jaune. Rocambole, dit la veuve Fipard d'un ton majestueux, conduisez ces messieurs au cabinet de société qui reste libre et prenez leurs ordres. Voilà, voilà, voilà, accentua graduellement le jeune morien. Il s'arma de la chandelle de suif et précéda Collard et Léon sur les marches d'un petit escalier tournant en bois et qui conduisait au premier et unique étage de la maison. Ce premier étage était divisé en 3 pièces. Une grande, qui était l'appartement particulier de madame veuve Fipard et de son époux illégitime, le saltimbanque Nicolo, et 2 petites, 2 affreux taudis, qui prenaient le nom pompeux de cabinet dans la bouche de la veuve et qui étaient séparés l'un de l'autre par une cloison assez mince. Rocambole ouvrit avec fracas la porte du cabinet jaune, dont tout l'ameublement se composait d'une table et de 4 chaises accompagnées de lithographies ornant les murs et représentant les 4 saisons. Le cabinet jaune possédait l'automne et l'été, le cabinet vert était agrémenté de l'hiver et du printemps. Collard et Léon s'assirent. « Que faut-il servir à ces messieurs ?» demanda le jeune vaurien. « Du vin, à 15 la bouteille. »« Baoum !» répondit Rocambole, qui avait consommé au café de la Rotonde, au Palais Royal, et retenu ce cri d'un garçon fameux. « Après ?»« Donne-nous du fromage. »« Et puis ?» interrompit Rocambole. « Du gruyère !» acheva paisiblement Collard. « Comme en revenant d'un enterrement ?» murmura Rocambole en redescendant à cheval sur la rampe. Léon, malgré ses préoccupations, n'avait pas laissé que de remarquer et de trouver un peu étrange la familiarité de Collard dans le cabaret. et le ton à demi respectueux qu'employait avec lui la veuve fit part. « Tu viens donc souvent ici ? » dit-il. « Plus maintenant, » répondit Nicolas. « Mais tu y venais autrefois ? » ?»« Souvent, très souvent, avec ma femme du 13e. La maison n'a pas d'apparence, c'est vrai, mais elle est bonne. Et tu crois qu'ici, nous pourrons savoir quelque chose ? » ?»« Je donnerai ma tête à couper que les domestiques qui vont venir souper dans ce cabinet à côté doivent connaître le jeune homme à la voiture. » Léon crispa ses poings avec colère. « Oh, si je le tiens jamais !» dit-il. Rocambole remonta, portant deux bouteilles sous son bras, un pain et une large tranche de fromage dans ses deux mains. Collard poussa le coude à Léon d'une façon qui voulait dire « Laisse-moi faire et questionner l'enfant. » Puis il dit à Rocambole, en clignant de l'œil, « Dis donc, jeune môme, peut-on te proposer deux roues de derrière ?»« Pourquoi faire, monsieur Collard ?»« Ah, voilà, dit Collard, faut être fin. Je suis d'ambre, moi. » Et ne pas flouer son ami, en lui contant des bêtises en place de la vérité, poursuivit Collard. « Bon, dit Rocambole, je suis franc comme l'or, moi. » Et Rocambole s'assit. « Est-ce qu'il n'y a rien de neuf par ici ? » demanda Collard. « De neuf, rien, répliqua Rocambole. « Il n'y a pas de nouveaux bourgeois dans les environs ? Non, je ne crois pas. Ah, si fait, un jeune homme, comme qui dirait un anglais millionnaire. » Léon tressaillit et songea à ce Sir Williams dont avait tant parlé Baccarat. « Et où demeure-t-il, cet Anglais ? Il a acheté ce château, qui est sur la hauteur. Est-il marié ? Est-il seul ? Je ne sais pas, » dit naïvement Rocambole. « Comment est-il ? Jeune, environ 30 ans, brun, avec de petites moustaches noires. »« C'est cela, » dit Collard, « c'est bien cela. »« Rocambole !» appela la voix criarde et enrouée de la veuve Fipard. « Rocambole ! On y va, maman, on y va. Viens servir ces messieurs, dépêche-toi. » Rocambole reste là de ses confidences, dégringola de nouveau l'escalier, et Léon entendit des pas et des voix retentir au rez-de-chaussée du cabaret. « Tu le vois ? » dit-il à Collard avec une sorte de découragement. « L'enfant ne sait rien. »« Ou ne veut rien dire, tu crois ?» Collard fit un signe de tête affirmatif et posa en même temps un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence. Les deux convives qui avaient retenu le cabinet vert montaient l'escalier. Collard entr'ouvrit la porte et jeta au dehors un rapide coup d'œil. Rocambole, une chandelle à la main, montait le premier. Collard vit apparaître deux hommes, dont l'un était jeune et pouvait avoir 27 ou 28 ans, tandis que l'autre paraissait avoir 40 ou 50. Et il échangea avec eux un rapide regard d'intelligence, puis referma la porte précipitamment, et avant que Léon eût pu, comme lui, voir les nouveaux venus. Ces deux hommes portaient la livrée, mais on eut facilement reconnu en eux les deux garnements qui déjà avaient voulu faire un mauvais parti à Léon, le jour du dîner à Belleville, c'est-à-dire Niccolo et le serrurier. Niccolo avait dû faire diligence pour arriver aussi promptement et embaucher le serrurier en passant, car il avait précédé Collard au cabaret et s'était caché dans les environs lorsque celui-ci arriva en compagnie de Léon. Ce dernier entendit alors Rocambole leur dire « Ces messieurs sont ici chez eux, ils peuvent faire tout ce qui leur plaira, le bruit n'est pas défendu. Même casser les bouteilles, en les payant, oui monsieur. » Et Rocambole s'en alla. « Sais-tu, dit alors Collard à Léon, que c'est une maison commode celle-ci ? On y assassine les gens que personne ne le saurait. » Léon regarda son interlocuteur avec étonnement. Collard souriait d'une sorte de rire sinistre qui donnait à sa physionomie une expression étrange. « Oui, poursuivit-il, supposons qu'un homme soit assassiné ici, je veux dire étranglé. La rivière est à deux pas, et les roues de la machine tournent toujours. Eh bien, on prend l'homme déjà mort, on le porte sous la machine, une roue le saisit, le broie, et maintenant, constatez donc que sa mort est le résultat d'un crime ou d'un accident. C'est difficile. » « En effet, » balbutia Léon tout étonné de la tournure que prenait la conversation. « Chut, » dit Collard, étonné. Dans le cabinet vert, Niccolo disait au serrurier, « Vois-tu l'enfant ? Pour tortiller proprement un homme, ce n'est pas plus malin que ça. On lui prend le cou entre ses 10 doigts, et puis on appuie le pouce juste sur la paume d'Adam, tu sais ? On appuie un coup sec, bien fort, et voilà tout, l'homme est flambé. » « Ah, tu crois que c'est le bon moyen ?» demanda le serrurier. « Je l'ai essayé plusieurs fois. Il m'a toujours réussi, » répliqua froidement Niccolo. On entendait à travers les fentes de la cloison ce qui se disait d'un cabinet à l'autre, comme si la cloison n'eût pas existé. Léon regarda Collard et lui dit « Cet homme est donc un assassin. »« Pouh !» répondit l'ancien force avec calme. « C'est selon. »« Comment c'est selon ?»« Se débarrasser des gens qui vous gênent n'est pas après tout un bien grand crime. » Et comme Léon, stupéfait, se demandait si déjà il n'était pas un peu ivre, Collard poursuivit. Ainsi toi, par exemple, supposons que tu me gênes. Moi, s'écria l'ouvrier encore sans défiance. Histoire de causer, sensément, mais supposons toujours. Soit, dit Léon avec distraction, et songeant toujours à Cerise. Tu l'as mis, je continue à supposer, de gens qui m'embêtent. Ton comte de Kergas, par exemple. Léon tressaillit et regarda Collard avec inquiétude. Tu le connais donc, dit-il. Oui, pour t'avoir entendu parler de lui. Eh bien, comme le comte de Kergas et toi vous m'embêtez, je continue à supposer. Cette fois, l'ouvrier attacha sur Collard un regard plein d'anxiété. Ses paroles lui semblaient étranges. Ce qui me gêne, poursuivit Collard, toujours d'un ton léger railleur, c'est votre connaissance. J'ai mes raisons pour cela, moi, mes vraies raisons. Eh bien, je t'amène ici, un soir comme aujourd'hui. Collard, dit Léon ému, tu me fais là une bien singulière plaisanterie au lieu de me parler de cerise. Ah oui, dit Collard, étalant toujours, je l'oublie un peu, ta cerise. Je n'oublie pas, moi, c'est bien ici que tu l'as vue, c'est possible. Comment c'est possible? Et Léon Roland se leva à demi et enveloppa Collard d'un coup d'œil soupçonneux. Ma foi, répliqua celui-ci avec calme, si je t'ai amené ici, c'est que j'avais mes raisons. Collard frappa la cloison du cabinet vert et cria. Oui, les amis, nous tenons le pigeon enfin, et cette fois ce ne sera pas comme à Belleville. Et tout aussitôt, Léon Roland, stupéfait de cette exclamation subite, vit la porte s'ouvrir, et Niccolo et le serrurier entrèrent, ayant aux lèvres un sourire qui était un arrêt de mort. L'apparition de ces deux hommes, jointe aux sinistres paroles de Collard, produisit sur Léon Roland l'effet de la foudre. Il reconnut en eux, sur le champ, les deux drôles qu'il avait insultés, et l'eussent maltraité sans l'intervention d'Armand. Il comprit que Collard était un traître, que Cerise n'était point un Bougival, et qu'il était tombé dans un guet-apens. Il devina enfin qu'il était perdu. Cependant, et obéissant cela, à l'instinct puissant de la conservation, il s'arma d'un couteau qui était sur la table et fit un saut en arrière pour faire face à ses trois ennemis. Léon était un robuste garçon, grand et bien bâti. Il pouvait, à la rigueur, se défendre contre trois hommes, si ces trois hommes n'avaient pas d'autre arme que lui. « Ah, misérable, dit-il à Collard, tu veux m'assassiner ?»« Tu me gênes, répondit laconiquement Collard. Et s'adressant à ses complices, il ajouta. « Le petit veut jouer du couteau, c'est bien, on en jouera. Mais il aurait mieux valu l'étrangler, il ne reste pas de traces après la noyade. » Le cabinet jaune était une pièce large de 6 pieds carrés, au milieu de laquelle était la table servant aux consommateurs. La fenêtre faisait face à la porte. En se réfugiant vers la fenêtre, Léon Roland avait donc la table pour rempart entre ses agresseurs et lui. Il s'adossa à la fenêtre, brandit le couteau dont il s'était armé, et s'empara en même temps d'une chaise pour s'en faire un bouclier. L'ouvrier, naturellement doux et timide, était devenu intrépide en présence de la mort. « Approchez !» leur cria-t-il. « Approchez ! J'en durerai bien, au moins !» Collard et ses deux acolytes s'étaient bien attendus, sans doute, à cette résistance désespérée. Ils n'avaient point songé à ce l'instant qu'un homme de l'âge et de la taille de l'ouvrier se laisserait égorger sans crier gare. Mais ils hésitèrent cependant une minute, et se prirent à le regarder comme la bête fauve mesure de l'œil la proie qu'elle va attaquer et combattre. Léon faisait tournoyer son couteau au-dessus de sa tête et décrivait un moulinet effrayant. « Petit, lui dit Collard, tu fais des bêtises pour rien. Tu ne t'échapperas pas, sois tranquille, et tu peux bien renoncer à ne jamais revoir Cerise. Il faut rester ici, mon ami, et se résigner à les coucher au fond de l'eau. »« Au secours !» cria l'ébéniste en voulant ouvrir la croisée. Mais Niccolo, avec cette adresse merveilleuse des acrobates, s'était armé d'une bouteille et l'avait jetée à la tête de Léon. Léon, atteint au front, fut étourdi du coup, poussa un cri étouffé et tomba sur ses genoux, laissant échapper le couteau. Alors, d'un seul bond, le saltimbanque fut sur lui et l'enlaça dans ses bras robustes. « Faut-il l'étouffer ? » demanda-t-il. « Non, répondit Collard, il faut l'étrangler, c'est plus simple. » Et Collard jeta à Niccolo un foulard de soie noire qui lui servait de cravate. Léon, étourdi mais non évanoui, cependant se débattait encore et poussait des cris étouffés. La bouteille lui avait meurtri le visage et il était inondé de sang. « Allons, dépêchons, » dit Collard. « Je sais bien que nous sommes tranquilles ici et qu'on ne viendra pas nous déranger, mais c'est égal, il faut en finir. » Et tandis que le serrurier Niccolo étreignait le malheureux ouvrier dans leurs robustes bras, Collard lui passa le foulard autour du cou et se mit en devoir de l'étrangler. Mais soudain une ombre apparut derrière la croisée, une ombre plus opaque encore que les ténèbres de la nuit, et la croisée vola en éclats. Et une lueur se fit, rapide, sinistre, suivie d'une détonation. Et Collard, frappé d'un coup de pistolet, tomba à la renverse et cessa de serrer les deux bouts du foulard. Quel était donc ce secours inattendu qui arrivait à Léon Roland et l'arrachait à une mort certaine ?